بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة العاديات في المسألة 37 بعد 200 et celle-ci bismillah ta'ala sera la dernière masala que l'on prendra par laquelle s'achèvera ce livre que nous avons pris au résumé et de façon abrégée. Certaines masailles se répètent, n'ont pas été citées. Certaines demandent des connaissances, comme on l'avait dit, en langue arabe assez fortes. Certaines, je n'étais pas dans la possibilité de pouvoir les expliquer. Et d'autres étaient vraiment claires. Il y a un l'auteur les a cités, mais c'est vraiment clair. Et d'autres, lors de la traduction des sens, le problème n'apparaît pas. C'est-à-dire que le problème ne pourrait apparaître que pour des gens qui seraient arabophones. Et là, ce verset-là est principalement pour des gens qui ne sont pas arabophones. Et là, ce livre-là est principalement pour des gens qui ne sont pas arabophones ou qui auraient quelques bases en arabe. Non. Donc là, on va finir par cette 237e mas'ala. Fekoul et ta'ala, inna l'insan irabbihi lakanoud wa inna'hu ala zalika la shahid. Que certes, l'homme est grand ingrat envers son Seigneur. Il est sur cela, il est témoin sur cela. Et les témoins de cela. Versets 6 et 7. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسه أي مبالغته في الكفر. Donc certes, ce verset démontre que la personne, l'homme, est témoin de sa grande mécréance. C'est-à-dire, il est témoin de lui-même de sa grande mécréance. كنود ça peut être grand ingrat, grand mécréant. Elles sont voulues, c'est la grande mécréance. قال وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله وهم يصنون أنهم يصنون صنعاء. Et d'autres versets sont venus à l'opposé de cela. Le sens où Allah dit, et eux, ils pensent qu'ils font du bien. Surat al-Kahf, verset 104, par rapport aux mécréants. وقوله ويحسبون أنهم مهتدون. Et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Az-Zukhruf, verset 37. وقوله وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنُوا يَحْتَسِبُونَ et qu'il aurait apparu dans Allah ce qu'ils ne pensaient pas, ce qu'ils ne s'imaginaient pas. Qu'ils ne pensaient pas qu'il allait leur arriver du fait qu'ils pensaient qu'ils étaient des gens de bien. Az-Zumar, le verset 47. قَالَ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ سَلَاسِ أَوْجُهُ. Donc il répond à cela de trois façons. الْأَوَّلُ أَنَّ شَارَةَ الْإِنسَانِ بِأَنَّهُ كَنُودُ هِيَ شَارَةُ حَالِهِ بِظُهُورِ كُنُودِهِ وَالْحَالُ رُبَّمَا تَكْفِي عَنِ الْمَقَالِ. Donc première chose, c'est que le témoignage que l'insan témoin de lui-même de sa propre mécréance, en fait, c'est par rapport à sa situation. Sa situation témoigne de sa mécréance, en fait. Sa situation témoigne sur lui-même de sa situation. Et la situation, des fois, est bien plus est amplement suffisante par rapport à la parole. C'est-à-dire, des gestes et des actes sont bien plus suffisants qu'une parole. Comme en guise de témoignage. الثاني أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة كما يدل على ذلك قوله تعالى والشاهد على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Et deuxième réponse, c'est que ce témoignage sur lui-même de cette mécréance, celle-ci aura lieu يوم القيامة, le jour de la résurrection. Comme le prouve sa parole dans le sens où Allah dit, et qu'ils ont témoigné sur eux-mêmes qu'ils étaient des mécréants. Al-An'am, bien sûr, verset 130. وقوله فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Et qu'ils ont reconnu leur péché, alors que soient éloignés les gens du feu. Al-Mulk, verset 11. La royauté, verset 11. وَقَوْلُهُ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَتُ الْعَذَابِ الْكَافِرِينَ. Et qu'ils, de la part de ce soit là, ils diront, en effet, certes, cependant, le châtiment aura lieu sur les mécréants. C'est-à-dire qu'ils ont dit, certes, qu'ils étaient des mécréants, ils ont reconnu cela. Mais que le châtiment aura lieu sur eux quand même. Az-Zumar, verset 71. Donc, tous ces versets-là montrent quoi? Qu'ils reconnaîtront cela, témoignant de cela, yom al-qiyamah, après leur mort. Ça, c'est la deuxième réponse. Wal-wajh thalith, an al-dhamir, fi qawli ta'ala, wa innahu ala zalika al-shahid, radi'un ya rabbi al-insan. Al-mazkur fi qawli ta'ala, inna al-insan li rabbihi lakanud. وعلي فلا إشكال في الآية ولكن رجوعه للإنسان أظهر بدليل قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. Une troisième réponse, c'est tout simplement que le Zamir, dans وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْشَهِيدِ, c'est-à-dire le إِنَّهُ, le هُ là, qu'il est certes témoin de cela, ce qu'on nous traduirait par « il », dit que cela, ça revient au Seigneur, à Allah Azzawajal. Car il dit bien « إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودِ » Car certes, l'homme est grand mécréant envers son Seigneur. Donc ils disent que son Seigneur est certes témoin de cela en fait. C'est ça le sens que le verset aurait. Donc il dit avec cette interprétation-là, il n'y a pas de problème. La chose elle est claire. Cependant, il y voit que le Zamir, il revient à l'insan, à la personne en elle-même et non pas au Seigneur, Azza wa Jal. Car à la fin, il dit bien à Allah Azza wa Jal dans le verset, ou plutôt dans la sourate, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْلِ لَشَدِيدِ. Il est certes pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Qu'est-ce qui est ardent pour l'amour des richesses? C'est l'homme, ce n'est pas Allah Azza wa Jal. Kalla. Donc c'est pour bien que le verset, pour l'auteur, le Zamir, revient à l'insan et non pas au Rabb. هذا والعلم عند الله تعالى وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك